Le temps file déjà, le bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien, et je regardais qu'est-ce que je pouvais faire pour le bloc de l'Ouest canadien, et je me suis mis à écouter une pièce qui s'appelle Souvenir du groupe Les Z, et un brin de nostalgie s'est accaparé de mon âme. Donc, je vous ai concocté un bloc de l'Ouest canadien, un bloc nostalgique avec de très bonnes pièces jadis. Premièrement, on va commencer avec le Manitoba. J'avais reçu à l'époque une compilation qui s'appelle « En pleine chanson », pleine comme les plaines de l'Ouest, là, les champs. Donc, « En pleine chanson », et là-dessus, il y a de très bonnes pièces. Entre autres, de deux amis à moi que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, et s'ils m'écoutent via Envol 91, je les salue, Marcel Soulaud et Marie-Claude McDonald. Marcel Soulaud, on va entendre Le Jardin Sauvage, très belle mélodie, vraiment ça vient nous caresser, nous bercer. Très belle mélodie pour un très beau texte également. Donc, Le Jardin Sauvage de Marcel Soulaud, ça s'en vient. Par la suite, Ton nom des illusions, je l'ai dit souvent, mais c'est vrai, c'est une des plus belles pièces franco-canadiennes que je connaisse. C'est vraiment une très belle mélodie jazz, très beau texte de Micheline Girardin, oui. Vraiment, là, j'aime cette pièce-là énormément. Et Comme tu es, c'est la pièce titre de l'album de Marie-Claude McDonald, mais elle se retrouve sur cette compilation-là en pleine chanson. Marie-Claude McDonald qui a fait partie de Madrigaya et maintenant fait de la musique, je pense, pour le jeune public. Donc, je la salue. J'aimais bien cette personne-là, très, très, très sympathique. On va l'écouter avec Comme tu es dans quelques instants. Déjà parti, mais pas de traces de mélancolie. Les oiseaux veillent près du tournesol. Soleil poussé en orgueil. Dernière fleur, ça crache au glaïeul. Comme une bouche tendue vers le ciel. Sur une tache bleue qu'elle survole. Les abeilles sucent une goutte de miel. Le jardin sauvage a les ombres fanées, les couleurs séchées et les parfums mouillés. Mais la tête pleine de souvenirs et le tombe en flocons sur le banc, couvre d'hiver les feux endormis. Les squelettes prennent leur chapeau blanc. Le jardin sauvage couvre sa prochaine folie. Le jardin suave veut calmer sa fièvre, médite sur un tremblement de lèvres. Les plus beaux jours sont vraiment partis. Mais pas de traces de mélancolie. Le jardin sauvage a les ombres fanées, les couleurs séchées et les parfums mouillés. Mais la tête pleine de souvenirs. Thank you.

En même temps qu'en pleine chanson et en pleine musique, Normand Dugas m'avait aussi envoyé une belle compilation, Rado 95. Rado qui était le regroupement des artistes de l'Ouest canadien, quelque chose, ou de l'Ouest. Sur cette belle compilation-là, il y avait plusieurs bonnes chansons. Et il y a cette merveilleuse musique qui s'appelle « Souvenir », avec un texte quand même intéressant. Vraiment, là, c'était une belle nostalgie de réécouter cette pièce-là. Le groupe s'appelait « Les Z ». Il y a plusieurs membres par la suite qui se sont retrouvés dans d'autres groupes, entre autres la raquette à claquettes. Mais les Z, c'était vraiment une très belle mélodie. Le piano, la passe de piano là-dedans était géniale. Donc, on va entendre ça, les Z avec Souvenir. Aussi, sur cette compilation-là, il y avait Francis Marchildon. Francis Marchildon qui, lui, nous offrait Mon équilibre. Et par la suite, j'ai reçu l'album Mon équilibre parce que c'est la pièce-titre de son album. Un album bilingue, mais avec de très bonnes chansons également. Bon, il a fait partie aussi, comme je vous disais, de la raquette à claquettes. C'est un gars bien occupé en Saskatchewan. C'est vraiment là une très belle mélodie que vous allez voir, Mon équilibre. Francis Marchildon, ça s'en vient dans quelques instants. Je ne sais pas s'il travaille sur quelque chose d'autre. Il faudrait mettre un homme là-dessus. On va y travailler. Mais là, on y va avec tout simplement les Z, de très belles chansons. Voici Souvenirs. Les souvenirs.